Je lisais l'amour est un chien de l'enfer, une impudique poésie. Comme par enchantement, elle a jailli du livre de Bukowski. A fouillé dans mes disques, elle a choisi Janis Joplin. J'ai caressé ses cheveux roux, le vinyle sur la platine. Au matin, Cynthia se coiffe à travers la paroi de verre. Je n'avais pas caressé une fille depuis 400 millénaires. Je suis millionnaire, pas peu fier, plus du tout célibataire. Elle détache de bière du pack pour son clochard assis par terre. Parachuté du haut de l'atmosphère. D'une puissance magique ou littéraire. Peut-être même d'une dernière prière. D'une supplique faite à la douzième bière. Dans les bars, tout le monde me l'envie, elle n'est pas qu'un peu jolie. Elle raffole des estropiés, des junkies, des types à maladie. Les regards qui se posent sur moi ne m'estiment pas à la hauteur. Terrorisé comme la fauche, je dissimule très mal ma peur. Elle a des pouvoirs paranormaux, des cuisses toujours chaudes. De mère en fille, elles sont guérisseuses façon Madame Claude. Caresse, elle est généreuse, ses fesses ne sont pas frileuses. Elle crée les meutes, on veut me prendre cette rieuse. Parachuté du haut de l'atmosphère. D'une puissance magique ou littéraire. Peut-être même d'une dernière. Supplique faite à la douzième bière. Je préfère donc l'attacher par peur de la voir s'envoler. Ça n'a pas l'air de lui plaire, avec un baillon je la fais taire. Elle finira par coopérer, aucun risque qu'elle puisse se sauver. Au fil des jours, elle dépérit, son corps m'ennuie, même son derrière. Je n'aurais pas dû la détacher, elle s'est enfuie par la fenêtre. Une autre reviendra peut-être, d'ici là je retourne à mon mal-être. Impossible de retrouver mes Bukowski, les poésies de Chinaski. Cynthia les a tous pris, je ne sais plus quoi faire de mes après-midi.